Elle me dit qu'elle veut vivre avec un homme riche, elle m'a parlé français. Quitter le QTB pour la lune de miel si je veux la fiancer. L'argent du biz, l'argent de la zik, elle veut le dépenser. Pas là pour que tout le monde dise que nous deux c'est fluide comme Jay-Z Beyoncé. Mais t'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. T'auras beau taper ton fils, j'suis pas ton Jay-Z, t'es pas ma Beyoncé. T'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. Tu veux faire partie de ma vie, de ma destinée, mais t'es pas Beyoncé. Yeah, yeah. Ma Beyoncé aime juste la bite négro. Elle me fait les meilleurs massages, son cul il est tout gros, tout roux comme le monde. Elle veut le dernier sac élevé à la mode et une fourrure qui sort d'un loup de la meute. Elle veut aussi la même Rolex. Oui, c'est moi qui ramène l'argent de moi, elle dépend. C'est qu'il repose en paix quand je la démonte. Elle aime mon écran tactique quand je décapote. Quand je m'enfonce et que je coupe mes locks. Là je ressors du tribunal sans suite, mon affaire elle est classée. Donc je remonte dans mon classé. Elle dit qu'elle veut vivre avec un homme riche, elle m'a parlé français. Quitter le QTB pour la lune de miel si je veux la fiancer. L'argent du biz, l'argent de la zik, elle veut le dépenser. Voilà pour tout le monde dise que tout est c'est fluide comme Jay-Z Beyoncé. Mais t'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. T'auras beau taper ton fils, j'suis pas ton Jay-Z, t'es pas ma Beyoncé. T'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. Tu veux faire partie de ma vie, de ma destinée, mais t'es pas Beyoncé. Elle cherche un millionnaire, million d'euros, million d'euros. Pour remplacer son père, pour remplacer son papa. Elle veut me faire un gosse dans le dos. Pension alimentaire. Que des négros titulaires. Y'a plus rien qui coûte cher. Cristiano Ronaldo. Respecte-moi juste un chou. Elle me dit qu'elle veut vivre avec un homme riche, elle m'a parlé français. Quitter le QTB pour la lune de miel si je veux la fiancer. L'argent du biz, l'argent de la zik, elle veut le dépenser. Pas là pour que tout le monde dise que tout est c'est fluide comme Jay-Z Beyoncé. Mais t'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. T'auras beau taper ton fils, j'suis pas ton Jay-Z, t'es pas ma Beyoncé. T'es pas Beyoncé, t'es pas Beyoncé. Tu veux faire partie de ma vie, de ma destinée, mais t'es pas Beyoncé. Yeah, yeah. Ah.